Et une bagaille. Une bagaille qui est bizarre avec esprit de mort. C'est un esprit, les lits sortis, les pas d'accord, tout est vide. C'est un esprit qui est tellement fréquent, les lits sortis, les pas tout est vide. Donc, si les sortis pour les prendre un monde, les pas qu'à prendre un monde, la passe prendre un innocent. La passe prendre l'autre monde qui n'a pas de rapport avec la mort. Parce que les pas d'accord pour le sortir, pour le tourner à zéro. Oh, mais si c'est vous-même pour esprit de mort, les joindre à soi. Oh, si c'est vous-même pour le jeune pour le faire un. Si c'est vous-même pour le jeune pour le faire deux. Moi, garantis, ça l'est impossible. Ça l'est impossible. Ça l'est impossible. Ça l'est impossible. Ça l'est impossible au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ou pas fait partie de l'ISA. Ou pas fait partie de l'ISA. Moi, rappelez-moi-le. Moi, rappelez-moi-le. Moi, j'étais entré dans le combat. Peut-être, je suis capable de dire qui, que moi, pas de deux entrées. Moi, pas de deux entrées. Et, alors, ça te connerait arrivé moins longtemps pour m'entrer dans plusieurs combats. Mais de nos jours, moi, je suis capable de gérer ça. À travers fougue, moi, pour bon Dieu, j'ai moins été aimé mon monde. J'ai moins été. Ça te fait moi entrer dans des séries de combats que moi, pas de deux entrées.